de la terre, on se casse. Viens Skyrock, qui reste de la place. Parlez de, parlez de, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez de, nous aussi on peut le faire. Parlez de, parlez de, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens Skyrock, qui reste de la place. Planet Rap, Planet Rap. Oui, pas c'est ma vie, oui, pas c'est l'amour. Ce soir, la même bouffe de supermarché. Haricots verts, c'était caché. On fera semblant de pas se fâcher. Mais j'ai encore trouvé les textos dans son téléphone. C'est pas la fin du monde, ça fait 2 ans qu'elle me trompe. Moi, comme d'hab, je dis rien, non. Comme d'hab, je suis à fond. Ce monde est trop pourri pour ma fille. J'ai honte la routine, le premier jour comme le dernier. Attends, mais y'a pas un fusil dans le grenier. Il a tué sa fille et sa femme, enfin sa femme en premier. On parle de fusil et d'idées noires dans le fond de son grenier. J'entends encore le bruit, les cris, c'est pire à chaque seconde. Trois tombes pour un monsieur tout le monde. Voisin, ça c'est empire, 4 fois sur la gâchette. Les volets fermés, oui, le drame s'est passé en cachette. J'ai entendu un bam, on venait de quitter la table. 22h32, une balle, celle qui a tué sa femme. Il se fâchait pas mal, j'ai pensé à une dispute banale. S'enchaîne un coup machinal, le calme puis la balle finale. Un coup de fil, la police débarque, les chaînes télé défilent. On me demande des infos sur le bar, je veux comme dans les films. On a retrouvé le corps de sa fille tout près du sien. C'était toute cette semaine, en direct sur Skyrock. Je vous présente Oli, la première de toutes mes groupies, aka le sosie officiel de Choupi. Tu stresses, t'as peur, tu veux appeler la police. Ce soir dans ton slip, c'est Urban Peace. Il est trop gros, lui propose pas de verre d'où. Il comprend rien, normal, il a de la graisse plein le cerveau. Ne croyez pas ce type, non. C'est que du bluff, il s'appelle Oli. Mais quand il est Oli, c'est jamais avec une meuf. Le public serait pour moi s'il fallait voter. T'as la tête de Mexicain, t'es forcément adopté. Je vais faire un meurtre, Fred de Sky sera témoin. J'ai vu que tu recherchais des muscles sur le bon coin. Faut que tu manges, non, fais du sport, c'est angoissant. Allo, dis full, ouais, c'est Big Flo, j'ai des problèmes de croissance. Quand tu rames solo, le public s'est trop marré. Car t'as la tête à Gainsbourg et le corps de Stromae. Où t'es, Big Flo, où t'es? Je tiens à dire que personne ne chante dans son équipe, ils sont vraiment pas chauds, alors que moi ils sont chauds, faites du bruit. Planet Rap, Big Flo et Oli. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. J'ai mon frère à côté de moi, je sais que j'ai plus rien à craindre. Pour tous ceux qui galèrent en bas, je sais que j'ai pas le droit de me plaindre. En un coup, tout s'éteint, ouais c'est dingue. On fait pas de reprise de volée avec les balles qui sortent des flingues. Et bien sûr faut qu'on se bouge depuis toujours, il faut qu'on gratte de la petite salle de Toulouse jusqu'à notre propre planète rap. Planet rap. Faut que je réalise que j'y arrive, que la chance passe, que le petit Big Flo de 12 piges m'aurait demandé un autographe. Qu'on est tous ensemble sous le même soleil à se bousculer pour boire en premier. On a cassé la bouteille. Je garde les pieds sur terre car au fond on n'est rien. Yous, tu m'as dit on se connaît, mais est-ce que je me connais bien? Dis frère, c'est à toi des virgules quand ils se servent des points. L'album s'appelle La Cour des Grands et il sort le 1er juin. Yeah. 20h-21h, en direct avec Big Flo et Oli sur Skyrock. Le Planet Rap avec le résumé de cette semaine, Big Flo et Oli, et évidemment le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Vous balancez plein de messages. Hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock, on lit tout, là on a un petit écran. Si vous n'utilisez pas l'hashtag, on le voit pas, alors allez-y. Allez-y les mecs. Avant de passer comme d'hab, le morceau extrait de l'album La Cour des Grands qui sortira le 1er juin. Ouais. Qui s'attelle à la présentation des invités? Bon, les deux en même temps. Ça va être mon frère, il est très fort pour ça. Alors oui, attention, là, il va falloir mettre les formes, le roulement de tambour et tout. Non. Je lui laisse ça, comme j'ai gagné le clash mercredi. Non, je lui laisse quand même ça. Le premier invité, plutôt le duo de premiers invités, on fait une série, une mule-série culte que tout le monde connaît. On peut le dire. Qui s'appelle Bref. Eh oui. Faites du bruit, s'il vous plaît. Donc on a Salut Skyrock. Kian Kojandi. Salut Skyrock. Et Navo. Et Navo, Kian, ça va bien messieurs? Ça va très bien. Ça fait plaisir de vous voir ici dans le studio. Hyper honoré. Alors Navo, je sais pas, mais Kian en tout cas... Je sais qu'il est fou de rap français, vraiment. Oui, c'est vrai, Navo un aussi. Gros passionné. Navo aussi, et vous allez voir surprise tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Appelez MC Kian, MC K. Est-ce que ça va lâcher du freestyle? On ne sait pas. Je crois bien, je crois bien. Est-ce qu'il va y avoir du clash? Toujours du clash. J'ai des choses à dire. C'est vrai? Rien du tout. Bon, un petit mot quand même, Kian et Navo sur Big Flo et Oli. Alors, ils étaient dans le clip. Kian était dans le clip. Kian est venu participer au clip Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, ouais. Il a fait l'honneur d'être dans le clip, ouais. C'est un des premiers gros clips qu'on a sortis. voilà, c'est super souvenir et ce morceau, il nous tient vachement à cœur. Donc, ouais, voilà. On est très content qu'il soit là. Mais la rencontre avec Yann, alors, c'est parti de quoi hein? Ça s'est passé au Zénith de Orelsan. Ouais, en coulisses. Voilà, et il était en train de servir une salade de pommes de terre. Et Olivio est arrivé et a fait. Là, bref, je me sers de la salade. Voilà, on a le truc qu'on te fait jamais en fait. Dans la minute, on l'a pas fait, on l'avait pas fait. Dans la minute. Et depuis, enfin, on avait gardé nos contacts. Et c'était genre un mois après ou deux mois après, on s'est dit il nous faut quelqu'un de fort, tu vois, pour jouer cet acteur-là, enfin pour jouer ce rôle-là. Et dès la première rencontre, il a été, enfin c'est bizarre de parler de quelqu'un quand il est à côté de soi, mais il a été super sympa, super bienveillant, voilà. Il nous a mis en garde sur certaines choses. Et donc on s'est dit, on va l'appeler, on va porter nos couilles et on va lui dire, est-ce que tu veux participer au clip? Et il a dit, c'est 100 000. Bah ouais. Là on a économisé. Les gens, ils sont revenus en ce moment. Il a dit, bah ouais, ok. Donc ça nous a appris que parfois il faut juste tenter. Il faut tenter. Mais il y a pas de. Souvent on me dit ouais ils sont jeunes, t'as aidé des jeunes. J'aide pas des jeunes, j'aide des gens qui ont du talent. Voilà, je pense que si tu viens, oui, c'est que ça te plaît forcément. Voilà, t'écoutes le son, c'est une évidence quoi. Monsieur Tout le Monde, c'est super bien écrit. C'est pour moi, c'est vraiment ce que j'avais dans I Am. Dans l'école du micro d'argent et quand ça, quand j'écoute Monsieur Tout le Monde, je me dis waouh, j'aimerais trop faire partie de ce clip et c'est plus un honneur pour moi de faire partie de ce clip. Pareillement, merci beaucoup. Merci, bravo. Bravo. C'est trop. Applaudissements immédiats. Mais alors, tu les as mis en garde sur quoi? Parce que tu disais. Attention. Il nous a mis en garde. Non, mais c'est dur de dire exactement ce qu'il m'a dit à ce moment-là, mais en tout cas, il s'est mis dans la merde. M'approche pas. Justement, il nous parlait de notre relation entre frères. Tu vois, je l'ai senti bienveillant dès le début en fait pour te dire. Il nous a donné des conseils, etc. Voilà. Très bien. Donc et depuis, on est resté en contact. C'est un truc, c'est intime, c'est entre vous. Et justement, je n'irai pas plus loin dans les confidences. On t'aime bien, Fred, mais là c'est entre nous là. Ouais. Et depuis, on est resté en contact et on s'était dit, le jour où on a un Planète Rap, tu viens, voilà. Et il est venu. D'accord. Et il est venu. Il a tenu sa promesse. Pour cette dernière. Avec Navo qui est là aussi. Avec Navo aussi. Ouais, moi je suis content d'être là parce que moi je faisais du rap jadis. Oui, on a appris ça il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est un truc de ouf. Et c'était mon rêve de passer sur Skyrock. Mais Navo, c'est un bon blaze, hein. Bah, c'était pas Navo à l'époque, c'était Wen. Mais Wen. Ça marche pareil. Ouais, bah ouais, Navo, il nous a fait écouter, ouais, avec la pochette. Justement, un soir, on est allé chez Kian, on était avec Navo aussi, on a fait écouter tout l'album. Et ils nous ont donné leur avis sur les morceaux. Et Navo nous a appris qu'il faisait du rap et nous a fait écouter. Et ça kickait, hein. Ça kickait à l'époque. Merci. Et ça kickait encore, apparemment. Ça va certainement re-kicker ce soir. Peut-être. Là, non, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'album de prévu. Pas de... Bah non, mais peut-être c'est le lancement de ma carrière. Peut-être ça démarre maintenant. Ça y est. Je pense que c'est le début. En effet. Bah, bienvenue à vous deux aussi. Un autre invité dans le Planète Rap. Oui, un autre invité, un fou qui vient d'une autre planète. Oui. Monsieur Redouane Arjan. Yeah. Ouais, on peut aussi applaudir Redouane. Redouane, c'est pas la première fois qu'il vient dans Planète Rap. Ah oui. Souvent il vient, il s'incruste, il est là, je le vois. Je tiens juste à dire qu'il a un chapeau, il a réussi à mettre un casque et un chapeau en même temps. C'est ça. C'est pas très radiophonique, mais en tout cas ça fonctionne là. Ça va bien, Redouane? Super. Très content d'être là, très content d'être autour de cette table, qu'avec des gens que je kiffe, que j'aime, que je connais depuis quelques temps et que j'apprends à découvrir. Donc et que j'apprends à découvrir. Bon, toi aussi, grande carrière dans le hip-hop, hein. On peut le dire, hein, aussi. Hein, c'est moi qui fais. Toi, t'as graffé, t'as tagué, tu as dansé, t'as fait tous les composants, tous les composants du hip-hop. C'est ça, ouais. J'étais l'assistant de JR tout au début. Non, moi je suis plus dans le one man show, dans le seul en scène. Ouais, c'est quelqu'un qu'on adore. Nous, on allait voir son spectacle, on s'est marré. Franchement, on l'a découvert nous à la télé sur internet. On a dit mais ce mec c'est un ouf. Et on s'est croisé souvent à la fin de concert ou des choses comme ça. On a des amis en commun et on s'est vraiment bien entendu. Il y a eu des soirées où on a freestylé à demi. On a eu des délires très bizarres entre nous et on s'est dit voilà. Je comprends Kian. Je comprends ce que tu disais. Faites attention les gars. Merde, vous n'avez pas assez écouté Kian. Il nous avait si vous avez commencé les soirées avec Redouane, c'est mort. Avant, il nous a dit la prophétie s'est réalisée, il est là. Donc voilà. Bon, bah bienvenue à vous tous. Merci en tout cas, beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis il y a d'autres invités aussi qu'on va vous présenter parce qu'il y a un gros live de prévu en fin d'émission. Ouais, il y a plein de petites choses quoi qui vont s'enchaîner. Et là, je vous dis, c'est Taratarap. C'est-à-dire que. Oh, c'est beau. C'est fini Planète Rap, c'est Taratarap ce soir. C'est très, très fort. Ce soir, il y aura du live, il y a notre poteau. Il y a un orchestre philharmonique prêté par Radio France. Il y a notre poteau Luc, violoncelliste, qui nous accompagne sur scène, qui est là, vu qu'on a concert ce soir, il est là et il va nous jouer un peu de violoncelle sur Skyrock. Ça, écoute, faire du c'est bien, une première. Voilà, c'est aussi, une première. Exclusive. Denchou Platine, toujours. Oui, qu'on a très peu salué cette semaine, mais qu'on salue aussi. Ah ouais, Denchou qui est et qui a été brillant aussi cette semaine. Yes. Un peu de bruit pour Denchou, s'il vous plaît. Ouais. Je crois que nous pouvons attaquer ce Planète Rap comme d'hab.

Je suis un mec du clos. Voilà, c'est un mec du clos. Tu vois, je suis le mec qui a les cheveux les plus longs du clos. Lourd. Et Navo, juste un mot, vous avez bossé ensemble, bon, évidemment pour Bref. Vous continuez aussi à bosser encore là sur tout le temps différentes choses qui arrivent. Là, on travaille sur mon spectacle et puis on écrit toujours plein de projets ensemble à chaque fois. Enfin, c'est quand t'as trouvé ça fuse. Ouais. Là, ça fuse. Ça rebondit tout le temps. Donc, c'est quoi les prochains projets qui arrivent? C'est d'abord le One Man, c'est ça, Kian? Le One Man. Ouais, le prochain projet concret, c'est ça. Ouais. Me tarde. One Man de Kian. Mmh. Bah, Big Flo et Oli, on sont venus. J'ai vu voir quelques tests et franchement, je trouve ça très drôle. De toute façon, j'ai pas le droit de dire l'inverse. Non, parce plus rien dire. Sérieux, il est très très fort, voilà. Ça veut dire qu'il est talentueux, pas qu'à la télé, aussi sur scène. Donc. Non, et puis en plus, c'est vrai que c'était aussi une prise de risque, parce que Bref cartonnait tellement, vous avez décidé d'arrêter, parce qu'à un moment, vous disiez, bon, si on refait ça encore pendant une saison, deux saisons, ce sera forcément moins bien. Peut-être, ouais, et puis j'aime bien la saison 1 de Prison Break, et je trouve que ça, c'est dommage que ça s'est pas arrêté là. C'est juste pour ça, en fait. Ouais, non, mais c'est bien qu'on a l'occasion de mettre un point sur la télé. On a tous regardé des séries, on était dégoûtés de voir la saison de trop, et donc le jour où t'as le moyen, tu dis tout le temps ouais, moi si j'étais à leur place je le ferais pas. Ben, on était à leur place, on l'a pas fait. Ouais, c'est vrai. Ben, en c'est tout cas les honneur. Connaissances ça va être du lourd, hein. Je les connais bien et ça va être à mon avis quelque chose de fou. Et puis le ciné aussi qui arrive, je suppose. On essaye des trucs. Il est modeste, ouais. Redouane, on en est où le One Man là? Il est où en ce moment? Il est sur scène, mais où, dans toute la France? Non, parce qu'à l'époque t'étais sur Paris, donc je sais, tu es pareil. Faudrait que j'aille me voir jouer pour savoir dans quelle salle je suis, mais je suis toujours sur Paris, je crois, a priori. Oui, ah, oui. Tu es encore sur Paris? Tu joues encore? Je suis encore sur Paris pour une tournée, disons, on va évaluer la tournée pour fin 2016. Oui, a priori, ça va se. 2017, 2018. Oui, tout à fait, oui. On va venir chez vous. Non, juste pour rebondir sur ce que disaient Kian et Navo, moi, Kian, j'ai eu la chance de faire mes premiers cours de théâtre sur Paris avec, Simon ensemble, avec Kian il y a 10 ans maintenant. C'était il y a combien de temps? 10 ans, 10 ouais. piges. Et moi, je le connais depuis donc 10 ans maintenant. Et déjà à l'époque, il était dans cette écriture-là. Il est très. Très pragmatique, très minutieux. Il est très, il veut exceller quoi dans son. Dans son contrairement son... à toi. Disons que non mais. Non, mais on a il aime les clashs. On a le même parcours. On a le même parcours. Ça tu veux un clash? Putain, depuis mercredi. Je suis au taquet là. C'est vendredi. Putain, avec Big Flo et Oli, c'était trop calme. C'est pas au détriment d'un programme télé ou d'un autre truc quoi. S'il prépare. C'est pour vraiment arriver avec un truc lourd, et moi j'en suis persuadé, ils vont arriver avec un truc très nerveux. Et Redouane aussi sur scène, allez le voir, hein, loupez pas si. Yes, j'espère être aussi lourd que l'album de Big Flo. Oh. Mais là, il y a de la punchline qui arrive. C'est l'inverse du clash, quoi. C'est le clash de Bisounours. Ouais, écoute-moi bien, moi je t'aime bien. Ouais. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est tous là, pantalon baissé. Oh, on s'auto-suce tous mutuellement. Oh, et qu'en plus de ça, t'as ramené ta guitare, donc merde. Ne bougez pas dans un instant, la suite du Planet Rap. On revient, il y aura donc du live. Yes, beaucoup d'instruments aujourd'hui. On a décidé pour le dernier jour de finir en musique, quoi. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Big Flo et Oli pendant une heure complète ce soir. Planet Rap, Big Flo et Oli. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap consacré à Big Flo et Oli. Yes. Et une sacrée équipe dans le studio qu'on peut applaudir une fois de plus. Monsieur Kian est venu avec Navo, avec Redouane qui est là aussi. C'est le dernier jour, on est triste de partir. Hein. T'entends pas ou quoi? Kian, tu veux pas essayer? Il y avait aussi Joey qui faisait c'est jeudi. Bon, on est vendredi, mais tu peux l'arranger. C'est jeudi, jour de sodomie. Oh. Moi je suis plus dans la réverbe. Oui c'est ça. Tu restes plutôt côté couvre-feu. Le Planet Rap donc avec Big Flo et Oli, le dernier Planet Rap. On est triste de partir, hein. Et ben moi aussi je suis triste de vous quitter. On a bien kiffé en tout cas. On a passé une semaine de ouf. Et on finit ces feux d'artifice ce soir, hein. Ouais bah oui. On a gardé le meilleur pour la fin. On est gâtés, hein. Ouais, il y aura du. Les gens vont. Ils ont bien que tu leur as bien enseigné, Kian. T'as vu, ils commencent à. Moi, je dis rien. Non, mais le côté, ouais, genre, il faut bien lécher. C'est important. Non mais bon, franchement on a bien kiffé, ça fait plaisir de finir comme ça en plus. Eh bien ne bougez pas, le live c'est dans un instant. Ouais. On balance un morceau, on est promis un titre inédit. Ouais. Il s'appelle Marco, c'est l'histoire d'un mec qui rentre chez lui. Dites-nous si vous kiffez avec le hashtag Big Flo Oli sur Skyrock, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est total exclu, ça fait partie de l'album aussi qui est disponible en précommande partout sur iTunes, sur Cultura, sur la Fnac. N'hésitez pas à y aller, go. C'est parti. Allez-y. Et le morceau extrait de l'album qui sortira le 1er juin. 1er juin. La cour des grands le 1er juin. Musique à fond dans l'MP3, Marco rentre chez lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne rentre pas aujourd'hui. Il est sorti plus tôt, donc il ne veut pas perdre de temps. Regarde ses baskets en marchant, presse le pas au milieu des gens.

Attends, moi j'ai envie de rapper un petit truc sur le violoncelle. Ah, tu veux attaquer déjà? Ouais, moi je suis chaud. Ouais. Ok. Ouais. Yeah, yeah, yeah, yeah. Un, yeah. L'impression d'être une vache qui regarde passer les trains. L'air inquiet étant donné que j'ai peur de rater le mien. Ils veulent m'arracher la main. J'ai quand même envie de l'attendre. Demain c'est loin, mais j'ai quand même envie d'attendre. Pourquoi tu veux qu'on se tape, poteau, reste ici? Pendant que ces mecs se battent, non, nous on réfléchit. Les temps sont durs, donc faut pas qu'on se ramollisse. J'ai rêvé que Molière écrivait nique la police. En lisant leurs textes, on se tape des barres de rire. Le rap game c'est la garderie. Je suis dans la lune, faut que je me concentre. Je suis incompris ou bien trop con pour comprendre. Attends miss, de nos jours faut être attentif. Le rap est noyé comme la cité d'Atlantis. Je suis comme le diable torturé par ses propres vices. Le hip hop c'est César tué par ses propres fils. Y'a trop de pleurs et de drames, on déconne. J'ai un peu peur de mes fans John Lennon. Ce soir la plume sera plus lourde que le plomb. Garçon, range ton flingue dans ton caleçon. Et j'ai croisé d'un homme, il m'a donné une carte. Il m'a dit avec ton frère tu trouveras le trésor. Tu pourras en faire rencontrer l'esprit du rap et tenter de le ramener d'entre les morts. Yeah. Vas-y Luc, Luc, Luc, Luc, Luc, Luc, Luc, Luc. C'est un violoncelle, pas une guitare électrique, les potes. Écoute, je suis en train de chercher, c'est la première fois dans Planète Rap qu'on a un violoncelle. Hein. Skyrock, premier sur le violoncelle. Mais ça défonce en même temps. C'est vrai que c'est pas, t'as l'impression que ça peut être une guitare électrique, t'es juste à la radio. Il est très fort, mais c'est quelqu'un qu'on a rencontré au conservatoire. Justement, nous, on cherchait un violoncelliste pour un morceau. Elle nous a dit, il y a un mec un peu fou qui utilise des effets, des trucs. Et on s'est super bien entendu. Et vous lâchez plus. On le lâche plus depuis. Il est pas très bavard, mais il joue très bien du violoncelle. Voilà. Bravo une fois de plus, bravo à l'instant en live. Les gars, c'est pas fini, il y a du live encore qui se prépare. C'est clair. Il y a le freestyle aussi par téléphone où je vous présente, c'est Lotfi de Montigny en Guel. Salut Lotfi. Salut. Ça va bien Fred. Ça va pour toi? Bienvenue, il y a Big Flo et Oli, ils sont là avec nous avec leurs invités, il y a Redouane Enchanté. Et voilà, Redouane tout court d'ailleurs. Voilà. J'ai cherché compliqué. J'ai rien. Parce que c'est mon nom de famille. Ouais. Navo qui est là, Kian aussi hein. Kian, je te laisse démerder aussi avec ton nom de famille. C'est clair. Projandi. Ouais. Trop gentil. Et Lotfi qui vient freestyler par téléphone, Lotfi. Ouais. Est-ce que tu es prêt maintenant? Ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Ok. Ouh. Ah, le petit TLS. Le petit TLS du 4-0. Appelez mec Montigny. Ah. Ok. Ah. Moi c'est MS, je le TMS, c'est mes lèvres, c'est balance, ouais, je les ai en laisse. Presse pas pour ta tête, non, c'est pas barbette. MG, ouais, tu connais l'adresse. Adarchi, je rappelais trop d'art, j'étais muté, à l'UT, l'ennemi se chahutait. Car j'étais le seul qui avait l'immunité. Je rappe pour l'unité, pas celle des frères en vérité, mais celle des gros billets verts dont il faut hériter. À chaque nouveau texte, ouais, j'augmente le level. Fini les sentiments, c'est le Cayenne qu'elles veulent. Starfallah, les frères, ça dans le label. Tu veux prendre ma place? Même si t'es qu'un rêveur, jamais loin d'un billet et qui prévisère mon portefeuille. Je suis là pour tout plier contre les jaloux qui me portent l'œil. Anglaise et fonte, ouais, c'est comme ça que je me conserve. Tu veux me taper la converse, parle à ma paire de converse. Tu m'as pétard avant qu'on tue mon pétard. L'avenir m'appartient, mais je me suis levé tard. Je suis dans le turfus, ça depuis des années. Ça me fait une fleur, mais elle est toute fanée. MG 640, gros, c'est le oud, oud. Ma tête dans ton trou, l'autre suis tiger, oud, oud. Man joue pas le fou, lec, on reconnaît les fous. Mec au PDP, follet, ils décrètent des follets. Ils attendent mon classique, moi j'attends mon classé. Tu veux me déclasser, viens déjà me clasher. Ils attendent mon classique, moi j'attends mon classé. Tu veux me déclasser, viens déjà me clasher. Yeah. Et l'autre Lotfi à l'instant en freestyle pour bien conclure cette semaine, bravo. Bien joué poto. Yeah. Dédicace, tu peux faire une dédicace? Vas-y balance, même si t'as des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut te retrouver à droite à gauche? Vous tapez Team MG sur Facebook, ça va être du 640 Montigny. Dédicace à toute ma famille, à Karim, à Medot, Team MG, à Outman, à Nour, à Mehdi et à Toufik aussi. C'est un mec de Montigny. Eh ben ça roule, à bientôt l'autre fille, merci d'être passé ce soir en freestyle. Yo mec, la bise à tout le monde. Avec Big Flo et Oli, l'album sort le 1er juin. 1er juin, déjà disponible en précommande sur iTunes. Il a dit tout fuck mounir machin, la bise à tout le monde. Redouane, t'en perds pas une. Tiens Redouane, si tu fais le malin, va chercher ta guitare s'il te plaît. Allez, ben, on va voir. Parce que là on est parti dans la session, là comme on était freestyle par téléphone, maintenant freestyle dans le studio avec de... On va voir s'il fait le malin, hashtag Big Flo Oli sur Skyrock. Allez-y. Dites-nous si Redouane par contre, est bon. Vous avez vu le nombre de messages sur Marco qui a défilé? Ouais, c'est, ouais dingue, c'est dingue, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est une exclue, donc ça fait plaisir d'avoir les avis directs des gens. Ça n'arrête pas d'ailleurs, regarde, ça n'arrête pas. C'est un truc de... Alors, attends, Redouane, on part sur quoi là? On part sur une composition, sur une reprise. Justement, je voudrais changer. On s'était mis d'accord vite fait, mais peut-être qu'on va changer de son. Tu penses. Tu veux un truc plus hardcore? Non, un truc. Tu veux plus de sang dans le. Tu préfères ça. L'album toujours dispo en précommande, il sort le 1er juin, allez-y. Ah, ça je vois aussi qu'Oli a sorti. Eh oui, Oli a sorti sa trompette, fait du bruit pour la trompette de Oli. Quelle jolie trompette. Oli. Merci Fred, tu sais, ça me touche beaucoup quand tu dis ça. Okay. Allez-y, attention. Hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock, dites-nous ce que vous en pensez. Bon, tout d'abord, je tenais à m'excuser de ce qui va se passer. Le mec qui a inventé la veste en jean, il a fait quoi de son pantalon? Pourquoi la SNCF ne construit pas des gares plus près des trains en retard? Est-ce qu'un cardiaque tombe amoureux plus vite? Est-ce qu'un hypochondriaque nettoie ses préservatifs? Parfois la vie m'interloque. Parfois la vie. What the fuck, man? Oli à la trompette. Ok. Est-ce qu'une femme enceinte trompée par son mari est-elle vraiment sûre d'être la mère? Est-il possible de faire une demande de crédit à la banque du sperme? Ah, genre mes enfants viendront payer plus tard. Est-ce qu'un schizophrène a quand même besoin d'un miroir? Peut-on voyager à la vitesse de la lumière dans le noir? Parfois la vie m'interloque. Parfois la vie. What the fuck? Parfois la vie. Interlock. Parfois la vie. What the fuck? Quand maman n'est pas là, papa s'habite-t-il comme maman? Est-ce qu'un amnésique qui regarde retour vers le futur, il peut guérir? Et si l'habit ne fait pas le moine, alors pourquoi il s'habille? Parfois la vie m'interloque. Parfois la vie. What the fuck? Wow. Très très fort. Ah là. C'était un peu what the fuck la trompette aussi, mais bon. Non mais attends, il y avait de la punchline. Hein. C'est ce qu'on appelle de la punchline. Là, il y avait de la punchline à gogo. C'est très fort, c'est très fort. Autant de punchline qu'un rappeur. Franchement, Redouane, un prochain spectacle entièrement musical. Hein. Écoute, c'est un peu le projet là qu'on a avec. Parce que tu sais, je suis aussi l'un des Daft Punk. Je me disais, il y a une ressemblance en fait. Je me disais, il y a un truc. J'ai déjà vu cette tête quelque part. Quoi. Donc ouais, en fait t'es partout quoi. Ouais ouais, j'essaye d'être un peu polyvalent, mais comme un peu toute cette génération là, tu vois, regarde Big Flo et Oli, c'est des mecs qui sont à la fois capables d'être dans le texte, d'être multi-instrumentiste, d'être dans la vidéo, d'avoir un vrai regard sur l'esthétisme de ce qu'ils défendent, toi, visuellement. Kian ici, il fait du violon, il est comédien, il est stand-upper. Navo, c'est un auteur, il fait de la musique. Enfin toi, on essaye un peu d'être un peu des touches à tout quoi. Et en plus de tout ça, ce soir, ces deux-là, ils vont nous faire du rap. Et eh ben je crois que voilà, je crois qu'il est grand temps maintenant de passer à la session freestyle. C'est avec parti. Kian, Navo, avec Navo. Navo Kian, qui a été rappeur. Kian, c'est quoi ton blaze? Ouais, MC sympa. S'il te plaît. Dites-nous si ça kick bien, hashtag Big Flo Oli sur Skyrock, on va voir ça tout de suite. Déjà là, les messages, putain, il redonne, il y a plein de gens, tout le monde veut te signer là, regarde. Tous les multitude de labels qui envoient des messages en disant l'album, on l'attend. On tu commence par Navo. MC Navo. T'es prêt? Ouais, tu veux écrire un petit truc? Moi j'ai un petit 16 de remerciement. Ah yes. Oh, de remerciement, ça fait plaisir. On voit que c'est un mec technique, hein, de 16, quand il balance ça, c'est que c'est du haut niveau. J'en ai écrit. Ah ouais. Oh là là. Ok. Balance plutôt le Bustaflex, pourquoi? Ah ouais, Bustaflex. L'époque, l'époque où je rappais. À l'époque où il rappait. Passe-moi un vrai son des années 90. Voilà. Quand je dis MC, vous dites Navo, ça fait MC. Navo. MC. Navo. Quand je dis MC, vous dites Navo, ça fait MC. Navo. MC. Navo. J'aimerais vous raconter une histoire parce qu'elle est jolie. 1999, Big Flo et Oli avaient seulement 3 et 7 ans. Et c'était à cette époque que j'ai créé un groupe de rap avec mes potes comme Flo. Pour moi, c'est plus que du rap. C'est toute ma vie, le jour je dors et je rêve que je pose avec les mecs que j'écoute toute la nuit. De mixtape en concert, on grandit dans le boucan. On a 20 ans, on rappe tout le temps. Mais tout full quand on se dispute, on devient juste des mecs qui séparent, comme dit Oxmo, pour des millions qui n'existaient pas. J'ai lâché le rap, mais j'ai pas lâché le rêve. J'écris sinon je crève, j'y crois et puis enfin. Bref, je voulais raconter cette histoire parce qu'elle est jolie. 2015, Big Flo et Oli sont des adultes. Moi je suis vieux et je repense à cette époque où j'aurais tellement kiffé pouvoir passer sur Skyrock. Yeah. Eh bien ça y est, c'est fait. Merci les gars. Quand je dis MC, vous dites Navo, ça fait MC. Navo, MC. Nick Talop. Bon, est-ce que le mec de Bref va rapper sur Skyrock? On va essayer. Est-ce que c'est la première fois que tu rappes en radio? Ouais, c'est la première fois que je rappe. Dans toute ta vie aussi. Peut-être une fois dans la salle de bain. C'est la journée des premières fois aujourd'hui. Ah là, franchement, on vous ramène quand même des choses extraordinaires. Moi, je suis refait. T'es prêt? La même instru, vas-y. Ok, ok. Est-ce que les gens sont chauds dans le studio? C'est MC sympa, c'est ça? Yeah. Ok, donc ça fait. Quand je dis MC, vous dites sympa. MC sympa. MC sympa. Quand je dis MC, vous dites sympa, ça fait MC sympa. MC sympa. Ouais. Ok. Parce qu'il faut dire ouais, ok, avant mon morceau de rap. Ouais, écoute ça, s'il te plaît. Enfin, pas mon pote en même temps. K-Y-K-N, a.k.a. MC sympa. Je suis pas rappeur, donc je m'en bagasse si t'aimes pas. J'ai grandi à Reims, près de la routine, loin du soleil. Pour aller au bout de mes rêves, j'ai jeté mon réveil. Ado souvent jeté par des filles au cœur de marbre. J'avais tellement pas d'amis que je checkais les feuilles des arbres. Génération qui aime la négativité. Pas vrai les gars, surtout quand elle sort d'un test HIV. Hey, si tu veux du flow mec, c'est par ici. J'ai des rimes tellement tirées par les cheveux que j'ai une calvitie. Oh, passé des dimanches entiers sur dimanches entiers. Les manches dans le ciment cherchant des rimes. Enchanté, j'ai rien d'un gangster ni d'un mec de Tess. Même pour ma mère, je crois que je suis le mec de Bref. Je rappe avec Big Flo et Oli, les petits écoliers. Du micro d'argent, on y est, vous serez bientôt des piliers. Je t'ai pas attendu avant de me noyer seul et boire la tasse. Je suis au courant, le rap c'était mieux avant que j'en fasse. Là, ça MC va loin. Sympa. Mais non, attendez. Là, ça va très loin là. Hein. C'était bien, mais Kian, je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu parles plus vite souvent. Je sais que tu peux aller plus vite. Dans Bref, tu fais. Et regardez, regardez. Okay. Tu vas très vite. Denshu, balance l'autre instru. Balance un petit Dre, on va essayer de voir s'il peut rapper. J'ai qu'un texte. Non, mais essaye de le rapper plus vite. J'ai mis 8 ans à l'écrire. Donc est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Ok. Oh. Attention. Elle est pas facile celle-là. K-N-K-E, MC sympa. Je suis pas rappeur donc je m'en bagasse si t'aimes pas. Du soleil. Ok, c'est parti. T'entends pas ou pas? Oula, c'est l'extra. Ok, K-Y-K-N et K-E-M-C sympa. Je suis pas rappeur donc je m'en bagasse si t'aimes pas. J'ai grandi à Reims près de la route, moi du soleil pour aller au bout de mes rêves. J'ai jeté mon réveil. Ado souvent jeté par des filles au cœur de map. J'avais tellement pas d'amis que je checkais les feuilles des arbres. Génération qui aime la négativité, pas vrai les gars, surtout quand elle sort d'un putain test HIV. Hey, si tu veux du flow mec, c'est par ici. J'ai des rimes tellement tirées par les cheveux que j'ai une calvitie. C'est passé des dimanches chantiers sur dimanche chantier. Les manches dans le ciment, j'ai chanté rimes enchantées. J'ai rien d'un gangster ni d'un mec de test. Même pour ma mère, je crois que je suis mec de bref. Je rappe avec Biflo et Oli, les petits écoliers du micro d'art, j'en ai eu, voudrais bientôt des piliers. J'ai le mec à la fin. Le mec est tellement fort qu'il s'arrête. Il s'arrête, il dit c'est une punchline. Il s'arrête et c'est une punchline. Non, mais le rap c'était mieux avant. Faites un putain de bruit, faites un putain de bruit. En plus, ce qui est marrant, c'est que on s'était dit justement, le jour où on a un planète rap, Kian, on te met au défi, tu viens rapper. C'était ça le défi. C'est dans les temps, c'est fort, hein. C'est très fort. J'aime pas clasher, mais parfois c'est même meilleur que ce que je peux voir sur internet. Ou... Il clash tout le monde en même temps, comme ça il a pas de problème. Meilleur que qui? Ah, tu vois, là, je sais jamais de nom, je tiens ma vie et ma mère aussi. C'est ça. Bon, bravo en tout cas, merci. Kian, je crois que t'es pressé, tu dois y aller, tu vas nous quitter juste avant la fin de l'émission. Exactement. C'était un vrai plaisir. Pour moi, c'est un vrai moment. C'était assez ouf. Merci d'avoir donné cette chance. Merci à Kian qu'on peut applaudir. Merci à vous. Merci à vous aussi. Gros big up à Navo. Merci à Navo. Merci à Navo. Redouane, vous pouvez rester si vous avez à moi que vous ayez vous accompagné Kian. J'aimerais bien me greffer à ses projets. Non, si vous pouvez rester. Mais t'as joué dans Bref, Redouane. T'as joué dans Bref. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu la chance de jouer dans Bref. Dans deux épisodes de Bref. On n'a pas eu la chance. Le compteur de mensonges. Ouais. Donc voilà. Tu as vu cette émotion d'ailleurs, il y a plus personne réagissait quand tu nous rappelais ça, c'était c'était merveilleux. Merci en tout cas, merci Kian. Merci Kian vraiment. Merci à vous, merci. Et on t'attend donc sur scène là prochainement pour One Man de Kian. J'espère que ce sera bien. Dites-nous si Kian pourrait être un rappeur #BigFloly sur Skyrock, j'en vois déjà qui disent ça. Dites-nous s'il pourrait l'être. Merci les gars, bon courage pour la sortie de l'album. En tout cas, moi, je le précommande tout de suite. Merci Kian. Navo, Redouane, vous restez un petit peu vous devez aussi. Avec plaisir. Et bah restez avec nous parce que je crois qu'on a encore un dernier live pour conclure. C'est le dernier live de la semaine. Rap. Et on s'en va ensuite, on rentre à Toulouse. C'est une expérience de ouf, hein, ce planète. C'est dingue, rap, hein. C'est incroyable. Enfin, moi qui fais pas de hip-hop. Attends, c'était de la punchline tout à l'heure à la guitare. Non, mais je trouve que c'est un truc de ouf de. Je sais pas, je trouve ça tout de ouf. Mais en fait, nous, on a tellement rêvé de l'avoir, ce planète rap, qu'on l'a voulu le faire bien, quoi. Moi aussi, j'ai rêvé. C'est bon, t'arrives de nous, Fred. Ouais. Ah, que c'est bon. Fred, c'est le drucker du hip-hop. N'empêche que, comme on dit tout le temps, Fred il joue rouge, table rouge. Tu veux t'allonger sur cette jolie table rouge ou pas? Comme on l'a dit le Fred premier jour depuis très très longtemps. Fred, il répondait à nos mails et tout à l'époque où on était rien. Aujourd'hui, on est presque rien. Non. Et il était très fort parce qu'il arrivait à répondre à vos mails alors que vous aviez même pas internet. C'est ça qui est fou. C'était des trucs, ça arrivait par Colombe. En fait, ça arrivait directement dessus. Est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier live, messieurs Big Flo et Oli? Ouais, on est prêts. Pour ce dernier live, on a voulu rendre hommage à un groupe qui nous a beaucoup inspiré, IAM. Et on a décidé de faire un espèce de remix de Demain c'est loin. Là, vous attaquez à du très très lourd, hein, les gars. Ouais. Je sais. Donc la pression est grande. Total exclu, encore une fois, c'est tout nouveau, c'est pour Skyrock, c'est pour le Planète Rap. Yes, Demain c'est loin, remix. L'album, il s'appelle La Cour des Grands, je le rappelle encore une fois. Il sort le 1er juin et il est déjà disponible en précommande. Allez le choper. Big Flo et Oli. Demain c'est loin. Demain c'est loin, je le sais, on me le répète depuis hier. Depuis gamin dans nos têtes, récite ses vers comme des prières. BTS, serpillère pour la plupart de nos potes. La fierté, cette sorcière nous nargue et referme des portes. On n'est pas dans le même bateau, mais on navigue sur la même mer. Et si on coule, c'est la même merde pour tous, pas de cadeau. Je peux mourir dans une seconde ou dans 50 piges. Personne sait, la réponse me paralyse. Derrière la vitre, je suis coincé. On y passera tous, la faucheuse menace se mande à qui le tour. Si je meurs demain, accroche un miroir sur ma tombe. On se kiffe, on se plombe, on se quitte. On regrette dans la seconde qui va regarder le petit, qui va lui dire, personne on se cache dans l'ombre. Jacques Brel l'avait prédit, sacré visionnaire. J'appréhende le jour où le mot amour sera plus dans le dictionnaire. Emplis ta tête au présent, pour pas te la prendre à l'avenir. L'école on la déteste, mais elle nous a appris à savoir l'écrire. Je vois pas de lumière au fond du couloir. Eux ne pensent qu'au pouvoir, c'est corrompu, remplissent les urnes avec nos mouchoirs. La politique, une boulimique de polémique, mais trop sincère. Pendant que je me dis que j'ai une mine de merde, j'aurais plus du trick d'autres vivants en guerre. Les plus paumés se réfugient dans la religion, croquent leur livre pour un fusil. Le cerveau endormi par des cons, on n'est même plus étonné. Fragile et seul, fallait s'en douter. Parfois je me dis qu'il faut un jour se perdre pour mieux se trouver. Trouver, retrouver l'espoir, ensemble faire le bien. Ici mine de rien, on te bute pour un article ou un dessin. Jamais d'accord, pauvre contre riche, juif contre muslim. Moi ce pays je l'adore, à mon hip-hop je réécrirai toute l'hymne. On oublie qu'on est tous humains. Trop tard, j'ai entendu un type dire le pop chien en regardant un clochard. Du haut de la tour de Babel, paniqué, l'humanité s'est jetée. On nous a pris pour des cons, on a fini par croire qu'on l'était. Était comme il rêve, on rêve d'égalité, respire. Au lieu de lever le poing, une manif, apprends à t'en servir. La pollution, les avions, le pression, le cracher des stations. On imprime des ballons en papier contre la déforestation. Putain d'époque, je me perds, l'avenir n'est pas clair et plein de barrages. Fils d'immigrés, le FN m'oblige à me plaindre et cracher ma rage. L'argent nous rembête, prêt à faire le radin, même le jour du mariage. C'est la crise, sur un trottoir en ville, j'ai croisé Marianne. Jalousie, hypocrisie, viennent truquer le jeu. Nos rêves portent en fumée, ouais. C'est vrai, on a joué avec le feu. Sur l'échiquier, le fou se prend pour le roi. Le cavalier s'est jeté de la tour et la dame dit que le pion n'intéresse pas, gardons le sourire. Le combat est quotidien pour que les enfants des enfants de mes enfants vivent bien. Moi, ce monde, je l'aime, elle est portée dans mon cœur. Tant de froid, on fera le bilan, sourire aux lèvres dans 10 ans, même heure, même endroit. Au même endroit, la rue comme sol, le ciel comme toi. On reste là, les minutes se confondent de moi. On n'a pas un rond, on porte des Reebok, des Nike, des Pumas. On rigole entre potes en pensant à ceux qui sont plus là. L'ennui nous teste, il nous suit, il nous blesse vraiment. Je prie pour que ce texte ne se transforme pas en testament. On enquête au-dessus des murs des tests. On pèse, on encaisse, mais on se condesteste vraiment. Entre loups, on pense qu'à tirer notre coup. J'ai appris avec tristesse que les filles sont pas mieux que nous. J'ai voulu déclarer la flamme pour étancher ma flemme. Et c'est facile de mettre un coup de lame, plus dur de dire je t'aime. On oublie nos points communs, on se trouve des différences. On se bouscule dans les autres sur un grand bateau guitant. C'est chacun dans sa famille, on n'a pas tous la même France. On s'engueule sur nos origines en parlant la même langue. On se regarde de travers, on s'abîme pour un rien. Dites au père de Marine qu'il a fait pleurer le mien. Les jeunes aiment l'interdit, plongé dans le douillac. Il m'a dit qu'il votait FN, il écoutait du rap, le rap, du moins ce qu'il en reste. Des menteurs et arnaqueurs qui se battent pour quelques pièces. Faudrait que ça s'arrête, beaucoup de nazes, mais peut l'admettre. L'impression de porter, il m'énerve, longtemps que je ne bouge plus la tête. Alors je ricoche pour le hip-hop, coup de hache pour le double H, mon petit pote. Faut qu'on style mon gars, faut qu'on prenne le large et je mijote. Un petit plat épicé, des rimes aiguisées pour scandaliser les types déguisés des murs de l'Elysée. On se lève à midi du matin, ouais c'est vrai qu'on fait tâche. La flemme d'aller en cours quand nos pères sont déjà au taf. Ouais faut qu'on se bouge poto, va le topo. Quand on se couche, ils se douchent trop tôt. On se la coule douce et la loose, on fait ta blouse. On y va tous, mon lolo. La terre, on la laisse pourrir, on la laisse mourir. Oui on sait, on l'oubliera ce soir devant le dernier clip de Beyoncé. On ira danser sur ce sol qui se craque sur nos pas. C'est la faute des anciens, pas la nôtre, à la vôtre. Oui nous ça compte pas, Dieu, si t'existes. Je crois qu'on n'a pas compris le message. Des mares de sang, des mascarades, des massacres en masse sur notre passage. C'est ma religion d'abord, c'est la tienne qui a tort. Ils se tuent parce qu'ils sont pas d'accord de ce qu'il y a après la mort. La mort me guette, j'avance dans son ombre. Chaque pas m'éloigne de ma mère, me rapproche de la tombe. Mais j'irai découvrir le monde, déchirer ses frontières. Les vieux m'ont dit que j'avais le temps, leur vie m'a prouvé le contraire. Donc faut qu'on accélère, qu'on inspire l'air à la vitesse interstellaire. Sonner l'alerte et reste à terre, encore plein de choses qui restent à faire. Prestataire de ce monde qui part en couille. On veut tous être capitaine d'un grand bateau qui coule. Faut qu'on aille dehors encore, qu'on arrête de penser qu'au sous. Qu'on arrête de se tirer dessus pour essayer de faire notre trou. Qu'on prépare nos cartes, car au prochain tour, on joue. On devient tous marteaux, car nos vies ne valent pas un clou. Faut qu'on s'accroche mon frère, faut qu'on tienne le coup. On sera pas à genoux, on tiendra jusqu'au bout. Ça nous mènera peut-être à rien, on le sait bien c'est fou. Mais inquiète-toi pour demain, parce que demain c'est nous. Oh ah, mais messieurs, 18 ans après la version originale. Ah ouais, ouais. Mon âge. Ouais c'est vrai, 18-19 ouais. C'est ça hein, c'est ça. Comme morceau est sorti, c'était 97. Pas facile, on vient de l'écrire il y a quelques jours, on le maîtrise pas encore complètement. Voilà. Mais... on en fera peut-être une version qu'on mettra sur internet. Ouais, en tout cas, c'était un plaisir de rendre hommage à Yam qu'on a beaucoup écouté et sans qui on ferait pas de rap, je pense. Demain, c'est nous, dites-nous si vous avez kiffé avec le hashtag des Flowly sur Skyrock. Ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas, ouais. Demain, c'est Redouane, nous, demain, c'est vous, les gars. Il y a quelques messages d'ailleurs. Il n'y a que des gens qui applaudissent la nostalgie du truc et puis qui. Ah, c'est vraiment beau. Merci. Toujours, il pique un peu toujours. Redouane, je me demande si je vais pas l'engager dans Planète Rap qui lisent les messages. Il y a un truc particulier quand tu les lis. Hein. Une frappe de plus. Un sécal à... Non, c'est une mauvaise idée en fait. T'es mieux sur scène, Redouane. Merci en tout cas. Désolé. Je voulais vraiment vous remercier tous les deux pour cette belle semaine en Planète Rap. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi, Fred. Merci. Demain, c'est vous. C'est vrai. Merci à Skyrock pour la force. Le 1er juin, la sortie de l'album. À pas louper la cour des grands. Le 1er juin, la cour des grands. On a passé une semaine incroyable, vraiment, sincèrement. Ça fait plaisir de voir souvenir de jeunes artistes comme nous. J'ai une petite larmichette à la veille. Ah, du bruit pour Fred, s'il vous plaît. Merci beaucoup Fred. On est presque tes enfants. Non mais merci beaucoup Fred. Merci à Skyrock qui, en plus, on est rentré sur Skyrock. Je voudrais qu'on applaudisse ça s'il vous plaît. C'est vraiment une grosse nouvelle pour nous. C'était un rêve vraiment pour nous depuis tout petit de rentrer sur Sky. Merci, merci pour tout. On a vraiment kiffé. L'album il s'appelle La Cour des Grands. Il est disponible en précommande. Il coûte moins cher à la précommande. Il y a plein de titres quand il vous pouvez précommander. Allez sur notre Facebook, mettez un petit j'aime sur notre Twitter. Allez nous follow sur Instagram, sur Snapchat. On est partout. C'était notre premier Planet Rap et pas le dernier. Big up à tous. Merci à vous. Merci. Merci à Kian qui était là. Ce soir, Navo qui est resté. Arédouane qu'on retrouve, grand point virgule. C'est la dernière semaine. Merci aux potos, aux petits frères. On sera là, frérot. Et à tous ceux qui sont venus cette semaine aussi, Dadou, Doncho, Youssoufa, Jazzy Baz. Merci à tous vraiment d'être venus. Navo, petite dédicace. Tu sais, normalement, il faut que t'enchaînes dédicace. 9-3, un truc, Berbillier, Leclos. Non, non, mais moi, c'est dédicace à Big Flo et Oli. Bravo, les gars. Vous êtes arrivés là où moi, je suis pas arrivé quand j'étais jeune parce qu'on s'est battus. Vous êtes des frères. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vraiment Oxmo pour des millions qui n'existaient pas. On s'est embrouillé. C'est ce que j'ai compris dans le texte. Si vous êtes là, c'est que vous êtes soudés. C'est mortel. Pas encore, juste après. Ce Planet Rap, c'est qu'une intro. Ouais, c'est que le début. Dans l'album de la vie, c'est une intro, ça. Mais c'est beau, là, ce qu'on se dit, là, les gars. C'est normal, moi je dis, on finit par un maximum de bruit au studio et c'est comme ça. Merci à vous tous. Merci. Merci à toute l'équipe qui était là aussi tous les soirs. À Wawad qui était là aussi tous les soirs. Wawad, Dencho, Luc. Ouais. Tous les potos, Jérém. Qu'on a Jimmy, tout ça. Les musiciens, DJ, tout le monde qui était là ce soir. Et gros big up à notre ville, Toulouse aussi. Hein. Et on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Yes. Skyrock t'offre ton kit d'album de rap français et de rap R&B US. À toi de choisir. Anaïs Davion, ça va bien, Anaïs? Oui, ça va, salut, c'est moi. Eh ben salut Anaïs, tu es prête à faire tourner, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, la roulette tourne. Ah bah ben, une grosse équipe. Anaïs, tu es avec qui? Il y a beaucoup de filles. Ah ouais, tu entends, elles écoutent plus rien d'ailleurs là. Elles ont dit stop. Pour vous les filles, c'est plutôt quoi? Rap français, rap R&B US, qu'est-ce que vous voulez à la maison les filles? T'as compris quelque chose? Voilà, bah on envoie tout ça. Merci à vous, merci à vous tous. C'est comme ça qu'on finit la dernière. Passez une bonne soirée sur Skyrock dans Planet Rap. Vraiment merci Big Flo Oli. Merci Fredo. Merci à vous tous sur Skyrock. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Planet Rap. A très vite. Tout à l'heure, la nocturne aussi à pas louper. Et là, c'est Difool et toute l'équipe de la Radio Libre. C'est parti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Hey, Fredo. Ouais. Eh ben voilà. Oh, Romano, tu es seul? Non, je suis avec Samy. Non, il y a lui qui arrive. Samy qui doit être en dépression. Déjà. On parle pas de foot, hein, Fred. Bah, on peut, non? Il y a combien le score? Et Difool est en ligne avec nous. 2-0 pour l'Orient. Et bientôt 3-0 pour l'Orient, tu vois. Bonjour, Difool. Ah ouais, mais vous me faites péter. Il y a combien pour l'Orient? 2-0. Mais vous me faites péter le cul. C'est prévu jusqu'à la fin de la saison, on gagnait pas un match. Qu'est-ce qui se passe, Samy, dis donc? Samy, analyse footballistique. Comme je vous ai dit, je parle plus de foot jusqu'à la fin de l'année. Ah bah il faut obligé ce soir, il y a l'OM qui joue. Mais parce que non, là je pense qu'ils jouent pas pour prendre déjà 2-0. Les joueurs ils ont lâché depuis quelques semaines déjà. Ah ils ont lâché, ouais. Ah bah ils ont lâché, il y a 2-0 déjà. Et surtout votre goal, il lâche les ballons lui. Ah là le pauvre. Ah il est pour rien gros. C'est Malanda. Ah il est pour rien. Non mais c'est une passoire. Non il est pour rien gros. Non mais tous les matchs, c'est la défense là, ça part en couille gros. Et Momo fait son entrée. Momo il rigole depuis tout à l'heure, il est content. Je suis content. Dis donc, Romano, t'es bien accompagné ce soir. Ah bah dis donc, t'as vu, j'ai tous les beaux gosses. Je peux faire un faux route, moi? Un faux route, ouais, il y a des bouchons sur Paris. Ah non, mais c'est pas qu'il y avait des bouchons sur Paris. Il y a une manifestation. Il y a une manifestation, c'est ça? Ouais, de l'autre côté, côté Champs-Élysées vers les Invalides. Ce qui est super à Paris, c'est que quand il y a des manifestations, ils le signalent nulle part. Ce qui fait que tout le monde va au même endroit, parce que bah, tout le monde va du côté de la manifestation, à un moment ça bouge. Et là, je suis pas loin du bois de Boulogne, là, quand même. Ah, très bien, mais vous êtes pas dans la bonne direction. Non, en fait, je pars dans la direction opposée de la radio ce soir. Ah, d'accord, très bien. Je suis accompagné par la Marie, par Karine, voilà. Voilà, qui vous salue, vous avez de la chance. Hein. Ah, bah on est. Également. Vraiment, on les salue également, une courbette. Donc, faut pas prendre les Champs-Élysées, faut pas prendre la Concorde, faut pas prendre les quais. Non, à partir de Concorde, ça roule. Mais dis-moi, je comprends pas pourquoi tu mets pas Karim devant qui t'ouvre le chemin. Oui, tu crois, ou Marie peut-être. Ou Marie, les dix chauds à l'air. Marie, les chauds à l'air qui m'ouvre. J'y ai pas pensé, mais la prochaine fois, j'y penserai. Là. Non, donc, mais à partir de Concorde, ça roule. Eh bah super. C'est okay, bien, t'es... J'ai une amie qui... Alors, j'ai une dame qui a des seins et a priori une grosse bosse dans le caleçon qui me demande Cédric. Ah, c'est... Cédric. Mais où est-ce qu'il est parti, Cédric, encore? Je sais pas. Non, mais attends, je crois qu'il est parti sur le trône. Donc. Ah ouais, c'est mort. Okay, bah, une urgence. Bado, voilà, ouais. Non, mais je suis pas dans... Ouais. Le trône, heureusement pour nous, n'est pas dans le studio. Dans le studio, ouais. Oui, mais il va revenir, ça c'est... Oui, bah ça, il va revenir, oui, ça, on a déjà Momo qui est en train de se gratter le cul. Ouais, tranquille, Momo, normal. En nous écoutant. Ah, mais il te montre ses doigts. Il te montre ses doigts. Regarde, les doigts, ils sont marrons. Ça veut dire qu'il est content, ça veut dire plaisir. Il est très, très content, Momo. Ça doit être à cause du 2-0 des... Tranquille, Momo, reste tranquille. Bon, OM, c'est quoi? C'est OM Lorient. OM Lorient, c'est ouais, ça, ouais. À domicile, ah, c'est domicile, ils se sont déglingués. Domicile extérieur, on se fera casser le cul tous les matchs, de toute façon, je te le dis. Bon, ben, OM Lorient à suivre ce soir sur Sky, on y revient dans un instant, mais non, c'est pas fini, il reste encore. Combien il reste dans le match? Là, ça a commencé depuis 20 minutes à peu près. 28 minutes, ça commence. Donc, vous pouvez vous en prendre d'autres. Ouais, bah oui. Ah oui, c'est possible. OM aussi, on sait jamais, faut toujours y croire, ça. Là, je pense pas, mais bon, on verra. Bon, allez, on revient dans un instant sur Skyrock. On démarre avec. Alors, quels sont tout de suite parce qu'il est quand même il est 9h là. Ah, bah, il y a les pubs là. Il est 59. Ah, bah, on va mettre des pubs, allez, c'est ah, parti. Bah, il faut pour me payer mon salaire astronomique. Ah, bah, oui. Attends. Et Fred, à tout à l'heure alors. À toutes. À tout bon à l'heure, Fredo. Ciao, c'est ciao. Bon courage. Et semaine prochaine dans Planète Rap. La MZ. Qui était passé il y a quelques jours. Ouais, fumétise et baiser. Ouais, juste fumétise et baiser. Eh bah écoute, Romano Revisto. Elle est partie. Bon bah à tout de suite. À toutes. Et bah juste après la pub, ça démarre, c'est Radio Libre en direct. Ciao, ciao. Et ciao. À tout à l'heure.